entre tes dents et le seul mur de grain. Quelqu'un a tué à faire jamais le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin. On s'est levé pour préparer le pain. Bien avant que le soleil soit debout, il était déjà au champ. Et son complice de la météo l'avait prévenu qu'il ferait chaud. Des camions plombissent le moteur après des mois de labeur. Dans le silo du wagon au bateau, on transportera le blé d'or. Entre tes dents et le semeur de grain, quelqu'un a sué à faire germer le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin, on s'est levé pour préparer le pain. Le bateau est ancré, les débordeurs l'ont rempli. À nouveau le grain sera transporté et conduit à la meunerie. Vers les moulins qui grincent sans arrêt afin de moudre la récolte. Du fabricant au grossiste négociant, former le blé d'or. Entre tes dents et le semeur de grain, quelqu'un a sué à faire germer le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin, on s'est levé pour préparer le pain. Le boulanger a reçu sa commande, la farine, le pur, le vin. Pétrit la pâte et pour lui son gagne-pain, se sortir du pétrin. Autour du four, il surveillera le temps de cuisson, le degré. Du livreur jusqu'à la table du marché, c'est le miracle du blé d'or. Entre tes dents et le semeur de grain, quelqu'un a sué à faire germer le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin, on s'est levé pour préparer le pain. Entre tes dents et le semeur de grain, quelqu'un a sué à faire germer le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin, on s'est levé pour préparer le pain. Entre tes dents et le semeur de grain, quelqu'un a sué à faire germer le blé. Rappelle-toi quelque part chaque matin, on s'est levé pour préparer le pain. Entre tes dents et le semeur de grain.